L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Nancy 1925, une expérience de la vie moderne. L'expo est à voir jusqu'au 1er mars et en écho à cette exposition, le vendredi 6 février, il va y avoir une soirée année folle. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Juliette Brochet. Bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver. Avec plaisir. Alors vous êtes chargée de médiation événementielle et jeunes adultes au Musée des Beaux-Arts. Cette soirée année folle, gratuite, ça c'est important de le signaler. Qu'est-ce que vous nous avez prévu ? Le but de cette soirée, c'est de célébrer le Nancy des années 1920. Donc nous avons prévu une soirée festive au cours de laquelle vous serez invités à danser au rythme des reprises des titres d'hier et d'aujourd'hui du groupe des Candy Swing. Mais vous pourrez aussi venir visiter l'exposition, puisque le but est quand même de mettre en valeur les œuvres qui sont exposées. Et on aura aussi l'occasion de se faire prendre en photographie grâce à un studio photo qui vous fera poser devant un écran vert. Et à l'issue de votre pose, vous serez pris en photo sur une vue de Nancy et vous pourrez repartir avec votre cliché. Pour cette soirée, je crois qu'on peut venir costumer, mais ce n'est pas une obligation. Alors pour les photos, ça doit être super. Pour le studio photo, il y aura des accessoires à votre disposition. Mais en effet, vous êtes invité à venir parer de vos plus belles toilettes. L'idée étant de venir dans un style inspiré des années 20. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez venir avec vos tenues habituelles. L'idée, c'est juste de venir peut-être avec un petit accessoire ou quelque chose qui peut évoquer ces années-là. Des choses que vous pouvez retrouver dans des magasins ou des sites en ligne d'occasion ou peut-être même dans les placards de vos grands-parents si jamais voilà, vous pouvez retrouver des objets un peu vintage. Donc de la musique, l'exposition bien sûr, ces photos, on peut repartir avec en souvenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre lors de cette soirée ? Alors la soirée va aussi mettre en valeur des savoir-faire et notamment celui de la broderie de Lunéville, la broderie perlée qui a fait l'objet d'une grande valorisation dans la haute couture et nous accueillerons le conservatoire des broderies de Lunéville qui sera présent pour faire des démonstrations de cette broderie et vous pourrez vous-même aussi faire un atelier créatif car la Saint-Valentin approche très bientôt et pour cela nous vous invitons à faire des cartes postales vintage dans le style des années folles. C'est à partir de quelle heure cette soirée années folles ? Ça commence à 19h et ça terminera à 23h. Et c'est important de le signaler, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est important. C'est très important pour nous. Toutes les programmations en soirée sont gratuites. Donc on le rappelle, l'exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne, c'est à voir jusqu'au 1er mars, mais là on a une belle occasion de la découvrir dans un cadre très original. Dans un cadre original, au cours duquel vous pouvez venir un petit peu papillonner de salle en salle, de section en section, au cours de ces visites flash qui dureront une vingtaine de minutes, et puis aussi c'est l'occasion de visiter ces expositions de façon gratuite. Et on retrouve tout ça, bien sûr, sur le site du Musée des Beaux-Arts de Nancy, de manière très simple. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.